Il n'est rien si précieux que ce temps de notre vie, cette matinée infinitésimale, cette fine pointe imperceptible dans le firmament de l'éternité, ce minuscule printemps qui ne sera qu'une fois, et puis jamais plus. Le coq chante et le jour brille. Lève-toi, mon aimé, c'est l'heure, aura. Tout à l'heure, il sera trop tard, car cette heure-là ne dure qu'un instant. Le vent se lève, c'est maintenant ou jamais. Ne perdez pas votre chance unique dans toute l'éternité. Ne manquez pas votre unique matinée de printemps. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Comment ? Ne le saviez-vous pas ? Vous ne saviez pas qu'il y aurait un printemps ? En bas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est l'amant, le sommet, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide, le néon, c'est la pie qui chacasse, c'est l'averse qui verse, des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas long, c'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance, c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout, un poisson, un geste, c'est comme du fifarchon, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste, c'est du bois, c'est un joli bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est les cris d'un hibou, encore ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse. Bonjour Pierre-Alban Gutking, un follow. Bonjour Ada Panrette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie, vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique de Paris, spécialiste de Jankélévitch. Vous venez de soutenir une thèse d'ailleurs, où il est question de Jankélévitch, n'est-ce pas ? Oui, sur la réalité de l'existence chez Jankélévitch. Eh bien, toutes mes félicitations. Est-ce que vous connaissez les eaux de Mars ? Ah non. Eh bien, c'est le titre de cette chanson, reprise ici par Stacey Kent. Les eaux de Mars, c'est le phénomène aquatique qui a lieu quand la glace de l'hiver fond et donc les ruisseaux se remplissent. Et c'est ce qu'on appelle les eaux de Mars, c'est le moment où l'eau coule après la glace. C'est une métaphore que, si on ne la trouve pas directement chez Jankélévitch, on trouve tous ses synonymes. Effectivement. Le dégel. J'ai été frappé d'entendre tous les mots qu'on retrouve dans le texte de Jankélévitch, enfin dans l'œuvre de Jankélévitch, dans cette chanson, notamment le mystère, le dégel, le vent qui souffle, bref, tout ce qui nous rappelle en fait la sensibilité que nous avons au printemps, parce que c'est d'abord une rencontre un peu sensible. Le printemps, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on sent. Il y a des odeurs qui sont propres au printemps. Il y a des sons aussi qui sont propres au printemps, donc la musique est en général bien sollicitée pour exprimer le chant des oiseaux qui accompagne le printemps. Bref, il y a une forme de synesthésie, d'ensemble de sens qui communique dans un réseau de correspondance et qui nous évoque en général le printemps. Alors disons-le d'emblée, si le printemps est important, essentiel chez Jankélévitch, ce n'est pas uniquement parce qu'il est synonyme de renouveau, de promesses, de chants fleuris et d'oiseaux qui chantonnent, c'est parce qu'il est à l'image de l'ambivalence de notre existence. Et donc il y a aussi un côté tragique, disons, au printemps. Oui, on va peut-être pas ruiner tous les espoirs d'emblée pour les auditeurs. Non, mais bon, je vais quand même dire que c'est pas uniquement vivre les oiseaux qui chantent, c'est plus. C'est vrai que l'idée qu'on se fait un peu spontanément du printemps, avec la joie, la vie qui reprend, les espaces disparus qui reviennent comme les terrasses, le printemps c'est ça, mais ça n'est pas que cela. C'est aussi un signe du destin de l'homme pour Jankélévitch. Le printemps indique le sens du temps, le sens du devenir, irréversible, cette ligne du temps que nous accompagnons en fait avec nos existences et qui nous conduit irrémédiablement vers la mort. Donc le printemps, en même temps qu'il est synonyme de vie, de vitalité, de joie, il est aussi le signe de ce qu'il ne sera plus, à savoir l'hiver prochain et la nuit infinie, éternelle de la mort. Avant d'examiner ce qui ne sera plus, passons un petit moment avec ce qui est, ce qui recommence. Je disais en ouverture d'émission, je reprenais cette citation du livre de Jean Kelevitch, Je ne sais quoi et le presque rien. On y trouve cette phrase que Jean Kelevitch aimait à prononcer devant ses étudiants à la Sorbonne, ne manquez pas votre unique matinée de printemps. Est-ce que ça veut dire que le matin, la matinée et le printemps sont deux choses qui se rejoignent en fait dans la promesse de recommencement qu'ils nous font? Oui, il y a beaucoup de choses dans cette phrase. Effectivement, on a l'habitude de dire que c'est une phrase qu'il prononçait très souvent pendant ses cours du mardi matin à la Sorbonne. Et c'est une phrase qu'on retrouve aussi à la fin du premier volume du Je ne sais quoi et du presque rien que vous venez de lire, un peu comme une plaisanterie qui s'adresse à un lecteur qui vient de lire plus d'une centaine de pages, assez difficile à lire, parce qu'il y a un jargon assez technique quand même de la philosophie de Jean Kelevitch, et qui indique en fait à son lecteur ou à ses étudiants que finalement le temps passé à le lire ou à l'écouter a peut-être été du temps perdu. Il y a une profonde ambivalence de cette injonction. Oui, ça veut aussi dire vous feriez mieux de quitter les bancs de la Sorbonne dès dehors. Que faire si votre professeur vous dit ne manquez pas votre unique matinée de printemps? Qu'est-ce que cela signifie? Ça peut vouloir dire de rester avec lui pour gagner 2 heures de temps et spéculer sur le bonheur ou la liberté, ou alors d'exercer, d'éprouver, d'expérimenter cette liberté véritablement en allant se promener sur les quais de Seine et voir le soleil scintiller se levant et discutant avec ses camarades. Alors je ne sais pas si... alors que il énonçait cette formule à ses étudiants, certains se levaient et partaient. Ça peut-être, ce serait cocasse, mais en tout cas, il y a une profonde ambivalence de cette formule. Puis comme vous l'avez dit, il y a énormément d'éléments, il y a énormément de jonctions en fait qui sont opérées dans cette phrase. Le printemps est lié avec le matin. On ne manque pas sa matinée de printemps. Il ne parle pas du midi du printemps, du zénith du soleil ou de la soirée de printemps. Il parle du matin, puisque le printemps est fondamentalement lié à la lumière. On pourrait interpréter le printemps un peu comme une conquête réussie du jour sur la nuit. Le printemps, c'est ce qui nous surprend. C'est le jour qui nous précède au réveil. Il lit aussi le printemps avec l'immanquable. C'est quelque chose qu'on ne rate pas. Le printemps est une occasion. Donc il y a beaucoup d'éléments en fait qui sont charriés dans cette injonction qui est un peu dite sur le ton de la plaisanterie. Il ne faut pas. Oui, mais si on le prend au sérieux, il y a une vraie question qui est posée là. Est-ce que assister à un cours de philosophie, lire Jean Kelevitch, écouter une émission de philosophie est une manière de nous aider à ne pas manquer notre matinée de printemps ou, selon une autre perspective, serait du temps perdu parce que ce serait autant de temps passé à moins vivre au fond. Oui, et c'est là que l'humour en fait est un remède. La dimension un petit peu humoristique, voire ironique de cette formule, elle permet d'atténuer en fait la gravité ou le sérieux de ce qui est dit. Au fond, ce que nous dit Jean Kelevitch, c'est que le temps passe et que on peut saisir des occasions, mais on peut aussi les manquer. Et que notre temps est compté. Donc, le dire avec humour, c'est peut-être atténuer un petit peu les effets dramatiques ou tragiques que peuvent avoir sur ses étudiants ou sur ses lecteurs l'influence du temps qui passe. Finalement, le temps qui passe, alors c'est un thème rebattu évidemment dans la philosophie, mais aussi dans la littérature. Et là, en cela, Jean Kelevitch a le côté presque romanesque de l'écrivain, voire poète, parfois lorsqu'il décrit des scènes de printemps. Et elle nous aide peut-être à mieux accepter ce destin irréversible qui nous conduira vers la mort. Donc usage de l'humour, usage de l'ironie pour atténuer les effets tragiques, les conséquences psychologiques désastreuses que peuvent avoir le temps qui passe sur la conscience humaine. Mais qu'est-ce que vous en pensez, puisque vous faites de la philosophie depuis longtemps, vous l'enseignez, vous travaillez sur Jean Kelevitch, est-ce que vous pensez que ça vous aide à saisir l'instant, comme dit Jean Kelevitch, ou ça vous en détourne? C'est une très bonne question, parce que on ne peut jamais savoir si on saisit bien l'occasion. On ne le sait qu'après coup, et en général, c'est plutôt sur le mode du regret ou du remords. On n'a pas saisi l'occasion qu'on aurait dû saisir, ou on a saisi la mauvaise occasion. En d'autres termes, on a fait ce qu'on n'aurait pas dû faire, ou on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire. C'est plutôt comme ça que s'active, a posteriori, après coup, une conscience un peu coupable. Et d'ailleurs, Jean Kelevitch consacre très tôt, c'est finalement son premier livre personnel, qui s'appelle « La mauvaise conscience » en 1933, à ce bourdonnement de la conscience qui nous empêche en fait de prendre le temps pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose qui va vers l'avant, qui va vers le futur et qu'on peut s'approprier. On a une tendance un peu naturelle et spontanée à rester hanté par un passé qu'on a un peu mal réalisé. Le passé est toujours un peu bancal dans nos existences, il a tendance à revenir sur le mode de la hantise et donc à nous donner des remords et des regrets. Mais le rôle de la philosophie là-dedans, ça nous aide ou pas ? Est-ce que la philosophie aide ? Elle pose le problème. Voilà, c'est déjà pas rien. C'est déjà beaucoup. Ouais. C'est déjà beaucoup. Elle fonctionne peut-être un petit peu comme une piqûre de rappel. On a peut-être tendance à oublier justement que notre destin c'est la mort et le printemps a tendance à justement nourrir un peu ce fantasme ou cette illusion que tout revient, tout recommence. Voilà, à chaque fin de mois de mars et début de mois d'avril, les fleurs recommencent à fleurir, les bourgeons apparaissent sur les arbres. On voit même le devenir du temps en acte, à la différence d'autres saisons. Le printemps est une saison vraiment de transition. Peut-être que, en caricaturant un petit peu, l'hiver est monotone. Il est monochrome presque. Il ne se passe rien. Les journées d'hiver se ressemblent. En tout cas, c'est comme ça qu'on pourrait appréhender les choses de manière un petit peu spontanée. Alors que le printemps charrie avec lui chaque jour quelque chose de nouveau. L'arbre a déjà changé en une journée, la fleur aussi. Et donc, le printemps nous donne à voir le sens du temps. On le voit en train de passer et de se dérouler. Et comme il revient chaque année, il entretient en nous l'illusion que nous avons peut-être une forme de jeunesse éternelle appartenant nous-mêmes à la nature. Nous aussi, nous vivons le printemps, nous avons un printemps et chaque année, tout recommence après le dur hiver. En réalité, il n'en est rien. Ce qui est dans l'instant n'est pas nécessairement ma décision. C'est aussi une aventure, une rencontre. Mmh. Quelquefois, il y a les heureuses chances du hasard. Et puis, quelquefois, il n'y a rien du tout. Puisque si c'est vraiment un je ne sais quoi, un jour, c'est un souffle du printemps. Le premier jour du printemps, qui est toujours un grand bouleversement dans les pays froids, comme le vôtre, et même un peu comme le nôtre, d'ailleurs. Le premier souffle du printemps, puis n'importe quoi, je ne sais quoi dans l'air. Même si c'est sans le vouloir que je dis je ne sais quoi. Je ne sais pas pourquoi, je suis heureux aujourd'hui, et pourtant j'ai aucune raison particulière. Peut-être même j'aurais des raisons de ne pas l'être. Mais c'est la direction du vent, quelque chose de un parfum qui vient subitement jusqu'à moi, quelque chose d'insaisissable. Ces instants sont rares, parce que ce que voudrait un homme pour être heureux, pour obtenir ce qu'il croit être le bonheur, il voudrait que ça dure, n'est-ce pas ? Il voudrait le prolonger, et ça il ne peut pas, il est déçu. Ou bien il voudrait revenir en arrière pour que ça recommence. Il voudrait revenir en arrière, mais il ne peut pas, non. Parce que le temps va toujours de l'avant. Je dis encore une grâce qui m'est offerte, il faut la saisir, mais l'instant d'après, Dieu sait où elle sera, et puis la retombée est souvent pénible. Chaque année, comme si c'était la première fois, le printemps célèbre les orgies de l'universel renouveau. Chaque année, le prince charmant vient réveiller la belle au bois dormant de sa léthargie hivernale. Comment tant de déceptions, tant d'échecs, tant d'hivers n'ont-ils pas dégoûté avril de rhabiller les arbres que la saison de la méfiance et de l'étroitesse a déshabillés ? Mais non, le printemps est aussi têtu que l'hiver. L'hiver a eu le dernier mot, mais le printemps aussi aura le dernier mot. Et comme chacun d'eux n'a jamais que l'avant-dernier, le dernier mot de l'ultime parole par lequel toutes les saisons en acte sont rendues pénultièmes reviendra à la générosité de l'inépuisable, de l'intarissable nature. Le mystère vernal est la figure cosmique, annuelle, saisonnière de notre propre destin. L'émotion printanière exprime directement la complicité de l'homme avec la nature. Dans le rythme de la grande alternance astronomique, l'homme reconnaît en deçà de la mort son propre mystère printanier. Le paradoxe d'une éternelle jeunesse vouée en l'homme à la mort et à la nihilisation révèle finalement son inconcevable, sa mystérieuse contradiction. Le mortel est sans cesse rétabli dans sa provisoire éternité, sauvé du lac obscur, jusqu'à nouvel ordre. C'est pourquoi la griserie printanière éveille dans notre âme un écho si profond, déclenche en nous un si joyeux emballement. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Nous parlons de quatre saisons cette semaine. Jankélévitch, aujourd'hui, le printemps de Jankélévitch, promesse de recommencement, mais pas seulement, justement, on va le voir. C'est un extrait que vous avez entendu, lu par Bernard Gabet, c'est un extrait des Traités des Vertus, donc le troisième tome, L'innocence et la méchanceté. On commence à entendre cette ambivalence. On a d'abord une célébration de l'universel renouveau, et puis on sent le lexique change. Il est question de mort, il est question de lac obscur, une expression qu'on retrouve ailleurs également. Si bien qu'on se demande de quel commencement vraiment il s'agit, Pierre-Alban Gutkin-Guinfolo. Est-ce un commencement, est-ce un recommencement, ou est-ce une sorte de, finalement, d'esquive? Que se passe-t-il vraiment quand le printemps arrive? Oui, on ne sait pas exactement ce qui se passe, et d'ailleurs, quand on entendait Jankélévitch, juste avant la lecture du texte, parler de cette atmosphère printanière qui est indescriptible, qui renvoie à un je ne sais quoi. Voilà, il y a je ne sais quoi aujourd'hui qui fait que je sens que c'est le printemps. Je ne saurais pas dire quel élément objectif constitue le printemps, mais j'ai le sentiment que c'est bien le printemps. C'est justement l'une des difficultés majeures qui ne va justement pas permettre de qualifier le printemps, puisque le printemps est assorti toujours d'images chez Jankélévitch. Il ne va pas être vraiment dit, il va être décrit sous la forme d'une image. Puis il y a une deuxième chose aussi qu'on entendait dans ce que disait Jankélévitch juste avant ce texte, c'est que nous avons la chance d'avoir un printemps. Tous les pays du monde n'ont pas de printemps. Oui, il est au Canada lorsqu'il il discute avec cette journaliste, hein, c'était en 1980, et il lui dit bien dans votre pays, donc le Canada, le printemps signifie vraiment quelque chose. Il y a vraiment une rupture avec l'hiver très rude qui le précède. Extrême. Ouais. tout à fait. Effectivement, donc le printemps est une idée peut-être aussi un peu locale ou localisée, et Jankélévitch ne manque pas de le remarquer. Ce printemps complètement ambivalent, vous l'avez dit, est un recommencement ou un commencement. On a du mal à le savoir, puisque la première phrase du texte qui vient d'être lu dit comme si c'était la première fois. Et ce comme si dit bien que ça n'est pas la première fois, justement. Le printemps est toujours un deuxième ou un troisième printemps. Il donne l'apparence du renouveau, il donne l'apparence d'un nouvel élan, de la vie qui se constitue, mais en réalité, il n'est que la continuation de quelque chose qui le précédait. Et en l'occurrence, la suite du texte nous informe sur ce qui précédait le printemps, et on le sait tous, parce qu'on a tous vécu au moins plusieurs printemps, c'est l'hiver. Et le printemps livre une forme de guerre permanente, dialectique, avec l'hiver. D'un côté, l'hiver veut avoir le dernier mot, et de l'autre, le printemps lui reprend toujours. Mais finalement, le printemps perdra à nouveau la guerre pour la regagner l'année suivante. Donc, ce que dit Jankélévitch, c'est que le printemps se présente pour nous comme un recommencement, mais il ne l'est pas en réalité. Pourquoi ? Puisqu'il y a une tension fondamentale entre le temps, je dirais, atmosphérique ou météorologique, qui est cyclique, qui revient chaque année, et de l'autre, le temps pour la conscience humaine, qui est l'irréversibilité, c'est-à-dire qui est linéaire. Et donc, il y a une forme d'inadéquation, qu'on ne sent pas forcément au printemps, entre le temps qui revient, les saisons qui reviennent, qui sont fondées sur l'observation des astres, qui forment toujours la même révolution pendant la même période, et c'est ce qui nous permet d'avoir un calendrier, c'est ce qui nous permet d'avoir l'heure, une date et une montre. Mais il y a aussi autre chose que ce temps cyclique, il y a le temps linéaire de l'existence humaine, qui a un début, un milieu et une fin. Et donc cette tension, elle est parfaitement signifiée par ce texte. Le printemps nous dupe un petit peu en nous laissant croire que c'est un véritable recommencement, alors que c'est un recommencement parmi d'autres. En fait, il nous nargue le printemps, il y a une insolence du printemps. Moi, je vais renaître chaque année, mais toi, non. Oui, il y a une insolence du printemps, il y a peut-être même une forme d'anachronisme en fait, entre l'existence humaine et le printemps. Le printemps a sa temporalité propre et nous ne sommes jamais vraiment calés sur cette temporalité. Le printemps ne fait que nous signaler que nous vivons dans un autre ordre du temps, qui est celui de l'irréversibilité. Et la suite du texte le dit très bien, le mystère vernal, donc c'est-à-dire le mystère du printemps. Vernal. Printemps. Alors vernal, c'est printemps par opposition à hivernal de l'hiver. Ce mystère vernal, donc du recommencement, signale notre propre destin. C'est-à-dire que le printemps, en même temps qu'il nous nargue, il nous indique aussi quelque chose de fondamental, c'est que, certes, il revient tous les ans, mais si on l'observe en lui-même, indépendamment des autres saisons, il fonctionne comme un devenir qui a un début, un milieu et une fin. Mmh. Donc il est à la fois, illusoire, et en même temps, c'est un bon indicateur, c'est un bon informateur de ce que, nous sommes, puisque le bourgeon qui donnera la fleur indique aussi, contient, la possibilité du périssement, et donc nous indique finalement que notre vie est finie. Donc notre vie ne serait qu'un printemps. Notre vie ne serait qu'un printemps. Et c'est pour ça qu'on sent le printemps nous réanimer peut-être d'une certaine manière après l'hiver. D'où peut-être cette obsession du mythe de l'éternelle jeunesse. Don't get upset. Mr. Lowry, please wait in reception. You're giving her wrinkles. You see? God! Il faut vous relaxer, Madame Lowry. Ça va vous rajeunir de 30 ans. Oh, docteur Jaffé, vous êtes un génie. Vous aimeriez être chirurgien de la présidence. Je connais absolument tout le monde. Mais c'est vous qu'on ne reconnaîtra pas quand j'en aurai fini. D'abord, nous supprimons l'excès de derme. Là. Ensuite, tous ces tissus flasques sous les yeux, là, sur le front. Zip, you. Maintenant, on relève les bourrelets et les petites rides d'anxiété, là, et on les remonte sous la perruque et on couche sous le crâne. Les cheveux cacheront la cicatrice. Maintenant, l'écran de protection. Ça y est, c'est un peu collant, je sais. Ecco. Oh, elle est déjà deux fois plus belle que tout à l'heure. Voilà. Le mythe de la jeunesse éternelle, qui n'est pas un mythe en réalité, et qui est un grand mystère, puisque être toujours jeune, c'est tout de même vieillir, être tiré en avant, se sentir quand même jeune, un peu moins jeune chaque année quand même, avec moins d'enthousiasme, avec moins d'élan, et parce que le poids des ans existe, et parce que au moins le passé, même si j'ai rien fait de spécial dans ce passé, pèse sur moi, sur mes organes, sur mes tissus, sur la pression de mon sang. Mais enfin, malgré tout, la force du renouvellement, de la jeunesse, est quand même puissante. Oui, les organes et les tissus, c'est ce qu'on entend dans l'extrait du film Brésil, avec ce lifting sonore quasiment auquel nous venons d'assister, hein, Pierre-Alban Gutting, un follow assez dégoûtant à écouter. Je parle même pas de l'image. Mais c'est un écho direct à ce que dit Jean Kelevitch, hein, justement, cette espèce de puissance du renouvellement, comme si, au fond, la recherche de l'éternelle jeunesse était une sorte de résistance à l'irréversible, au fond, c'est ça? Oui, parce qu'on entend dans l'extrait de film, on entend même plus que ça, on entend une volonté de faire marche arrière. Ouais. Voilà, on ne vous reconnaîtra plus. Je ne sais pas s'il est désirable de ne plus être reconnu après une opération de chirurgie esthétique, mais en tout cas, c'est ce que semble promettre ce chirurgien. Alors que Jean Kelevitch parle du mythe de l'éternelle jeunesse, c'est-à-dire d'un temps qui ne passerait pas, donc une sorte de présent permanent. Donc il y a un petit peu il y a quand même une nuance entre les deux. Entre une volonté de retrouver un passé, de rajeunir de 30 ans, ou de toujours conserver sa jeunesse. Cette conservation de la jeunesse, elle est impossible. On peut sauver les apparences, évidemment, mais on ne peut pas réellement rajeunir. Jean Kelevitch s'oppose à toute forme de mythe de la jeunesse éternelle, comme il s'oppose, par exemple, à tous les fantasmes de machine à remonter le temps. Il évoque souvent ces histoires ou ces contes qui nous laisseraient penser que le temps est maîtrisable, manipulable, comme le serait l'espace. Il y a une différence de nature, une différence profonde entre le temps et l'espace pour Jean Kelevitch. L'espace, c'est ce dans quoi on peut se mouvoir et on peut aller d'un point A à un point B et revenir au point A. Et le point A sera toujours le même. En revanche, dans le temps, il est impossible de revenir en arrière. Le sens du temps, c'est une flèche qui va toujours dans le même sens, qui va toujours du passé vers le futur en passant vers le présent, et il est impossible de revenir sur le temps. On ne peut pas revenir en arrière. On peut revenir sur une décision qu'on a prise, mais ça n'effacera pas le fait que nous avons pris cette décision à un moment donné de notre existence. Donc tout est irréversible et irrévocable dans le temps, et ce serait s'illusionner que de penser que le temps est pensable comme l'espace. C'est d'ailleurs, d'une certaine manière, un héritage de Bergson. Ah, complètement, oui. Ici, dans la philosophie de Jankélévitch. Bergson, qui était très critique avec toutes les tentatives un peu scientifiques de réduire le temps à quelque chose comme de l'espace. Donc, Jankélévitch, ici, emboîte le pas à Bergson et peut-être le radicalise d'une certaine manière parce que il y a un résidu d'espace quand même dans le temps. Le temps, c'est une forme d'espace, mais beaucoup plus réduit. C'est un espace à une seule dimension, qui ne va que dans un seul sens. Ce serait comme un espace, mais sans les trois dimensions de l'espace habituel, simplement un espace qui va vers le futur. Oui, mais ça veut dire qu'il ne serait que linéaire dans ce cas. Or, Bergson montre bien justement les limites d'une conception uniquement linéaire du temps. Oui, et c'est là-dessus que il y a une profonde différence entre les deux auteurs, qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans la différence entre l'optimisme atmosphérique chez Bergson et le pessimisme dont on n'a pas encore vraiment parlé, mais qui teinte en fait très souvent les textes de Jankélévitch. Que diriez-vous d'une petite promenade au cimetière, au printemps? Oui. Avec Jankélévitch. Allons-y. Suivez le guide. De temps en temps, l'orphelin déblaie un après-midi pour aller au cimetière, pour consacrer cet après-midi entier à ses parents, pour être seul avec eux et par conséquent avec lui-même, dans la douce suspension des heures. Au printemps, le grand jardin des morts est plein d'oiseaux et de fleurs, de chants et de parfums. Le promeneur solitaire ramasse quelques petits cailloux éparpillés sur cette tombe où il y a prétendument quelqu'un, où il n'y a pourtant personne. Le promeneur réfléchit. À quoi? À la destinée telle qu'elle est, qui est étrange et dont on ne peut rien dire. À l'air du printemps qui est si doux, au vent du printemps qui chuchote à notre oreille un message indéchiffrable. J'épie le silence habité de chants d'oiseaux. Je rêve à un passé imaginaire. Décidément, tout me parle de la vie. Mais c'est en cela, justement, que tout me parle de la mort. Ces pensées douces amères sont les pensées de quelqu'un qui, dans l'impossibilité de se représenter la mort, se penche sur les existences révolues. Il remue les ombres de ceux qui ont inconcevablement disparu et il converse avec elles en silence. Car les morts n'ont même pas le destin des feuilles mortes qui composent le terreau. De ce terreau se nourriront, par leurs racines, les végétaux du prochain printemps. Telle est l'innocence du renouveau. Mais les ossements dans leurs boîtes ne fournissent pas aux générations nouvelles la sève de l'immortalité. C'est pourquoi il n'y a en définitive pas d'autre pensée de la mort que le ressassement sempiternel d'un seul et même refrain. L'anéantissement est en première approche la fin sans finalité d'une existence sans issue. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Si vous ne connaissez pas le texte de Jankélévitch qui s'appelle « Quelque part dans l'inachevé », lisez-le. Ce sont des entretiens que Jankélévitch a accordés à Béatrice Berlowitz. C'est une lecture qui change le lecteur. Enfin, je ne sais pas si vous serez d'accord, hein, Pierre Alban, Guttingham-Follo. C'est très accessible et très fort, très, très juste et assez bouleversant quand même comme lecture. Oui, c'est un ouvrage en fait que je conseille très très souvent, ouais. Quand on me demande par quoi commencer chez Jankélévitch. C'est très bien dit ou très bien écrit puisque ce sont des entretiens mais qui ont été ensuite retravaillés, remaniés. On a un aperçu finalement assez exhaustif de la philosophie de Jankélévitch et un aperçu aussi de son génie philosophique. Il y aborde tous ces thèmes principaux et d'une très belle manière, sollicité par donc des questions de Béatrice Berlowitz qui aide en fait la compréhension et la progression dans cette philosophie qui est si complexe, parce qu'elle n'a que des ramifications quasiment. Oui. Donc c'est un très très beau livre dont je recommande évidemment chaleureusement la lecture. Quelque part dans l'inachevé, donc il s'appelle, on le trouve chez Gallimard, c'était publié en 78. Le texte que l'on vient d'entendre s'y trouve, page 171, pour les auditeurs les plus précis et les plus pressés de le découvrir par eux-mêmes. Nous sommes donc au cimetière, c'est le printemps. Pourquoi cette opposition, ce face-à-face entre printemps et cimetière? On s'attendrait plutôt à ce que ce soit l'automne au cimetière, c'est la saison de la mort, du temps qui passe et qui se termine. Et non, pour Jean Kelevitch, c'est au printemps que ça se passe. Oui, alors il faut peut-être resituer un petit peu ce texte qui en fait fait réponse à une question. La question est la suivante, comment on peut penser autre chose dans la mort que l'indifférence administrative, c'est-à-dire le certificat de décès, et de l'autre côté, la grande pompe de l'enterrement, par exemple, que Jean Kelevitch qualifie de pièce montée. Comment on peut donc penser le deuil du proche qui doit vivre désormais avec l'absence et le souvenir, par exemple, de ses parents. Ici, Jean Kelevitch évoque une promenade, donc au printemps, dans un cimetière. On ne sait pas si c'est une anecdote personnelle, mais en tout cas, elle est parfaitement partageable, voire universalisable, d'un orphelin donc qui prend une après-midi pour aller célébrer sa fidélité, son souvenir à ses parents. Et donc, que se passe-t-il pendant cet après-midi de printemps? Il y a un contraste très fort, comme vous venez de le souligner, entre, d'une part, la mort, le silence des morts, la froideur de la pierre tombale, et puis, de l'autre côté, la chaleur des oiseaux qui chantent, la verdure luxuriante. Et donc, ce contraste est particulièrement frappant. Ce texte, je ne saurais trop dire pourquoi, mais à chaque fois m'évoque la chanson de Brel, Le Moribond, lorsqu'il dit que c'est dur de mourir au printemps. Il y a comme une erreur de temporalité. On ne peut pas mourir au printemps. C'est pas possible. Ça va pas dans le sens de la vie du tout. La vie continue, la vie reprend, et là une vie s'arrête. C'est complètement paradoxal. Mais en réalité, si Jean Kelevitch utilise ce contraste, c'est précisément pour montrer que le printemps est peut-être la saison la plus propice pour réfléchir à ce que c'est que la mort. Au fond, ce qui va se passer pour l'endeuillé ici, qui va réfléchir à la perte, au-delà du souvenir de ses parents, c'est qu'il va réfléchir à sa propre vie, à sa propre existence. Et il y a une très belle phrase dans ce texte, et « tout me parle de la vie », c'est-à-dire les oiseaux qui chantent, la nature qui reprend vie, et en même temps, « tout me parle de la mort ». C'est cette ambivalence profonde que nous indique le printemps. Donc le printemps est propice à la réflexion sur la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort? C'est l'irreprésentable. Voilà, l'orphelin se recueille sur la tombe de ses parents, mais il est incapable de savoir ce que c'est que la mort. Pour savoir ce que c'est que la mort, il faudra en avoir conscience. Et malheureusement, c'est la seule expérience dont on ne peut pas avoir conscience. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est l'expérience qui nous vient en premier à l'esprit quand on parle d'une expérience impossible. On ne peut pas expérimenter la mort. Au moment où l'on meurt, nous n'avons précisément plus conscience et donc plus de connaissance de ce que c'est que la mort. Donc, le printemps nous invite à réfléchir, finalement, à ce qu'on ne pourra jamais véritablement penser. Et c'est la raison pour laquelle Jean Kelevitch a besoin d'une image. C'est la raison pour laquelle le printemps est mobilisé. Le printemps est une image, est une métaphore. Et ça, c'est assez caractéristique de la philosophie de Jean Kelevitch. D'ailleurs, quelque part dans l'inachevé, est truffé et saturé de métaphores. Puisque, enfin, je parle de métaphore pas du tout dans un sens péjoratif. Au contraire, pour Jean Kelevitch, c'est une manière de dire quand même les choses. C'est vrai que c'est un aveu de faiblesse de l'esprit humain d'utiliser des métaphores. On ne peut pas dire directement les choses, on ne peut pas dire la mort, on doit la dire de manière contournée, on doit trouver des stratégies ou des stratagèmes qu'on emprunte ici, pour le coup, à la littérature. Et donc la métaphore, c'est le moyen de mobiliser une image concrète qui parle au fond à tous, parce qu'on a tous une image de ce que c'est que le printemps. Par exemple, je ne sais pas, peut-être le printemps de Poussin ou d'autres tableaux ou d'autres images ou d'autres anecdotes plus individuelles. Et c'est cette image-là qui va permettre d'exprimer, par une forme de génie, en fait, qui va pallier les insuffisances de notre discours direct, qui va permettre quand même d'exprimer ce que c'est que la vie humaine et la mort qui l'attend nécessairement. Mais prenons un exemple, puisque vous parlez de tableau, vous nous avez suggéré, pour essayer de comprendre le rôle du printemps dans la pensée de Jean Kelevitch, de regarder, et donc de commenter, le tableau de Rembrandt qui s'appelle La Ronde de Nuit, oui, qui n'est pas un tableau qu'on associerait d'emblée, justement, au printemps, puisqu'on y voit de l'obscurité, alors certes aussi de la clarté, mais il n'y a pas de nature, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. Comment ce tableau que je vous laisse nous décrire rapidement. Peut-il nous aider à comprendre l'importance du printemps chez Jankélévitch? Oui, c'est un tableau magnifique qu'on trouve à Amsterdam, qui est un clair obscur, comme souvent chez Rembrandt, et dans lequel on voit des miliciens bourgeois qui terminent leur ronde. Et au milieu du tableau, il y a un homme drapé de lumière, nous dit Jankélévitch, au milieu, enfin au centre, un peu plus sur la droite, qui vient comme prendre la relève de la ronde de nuit. Alors en vérité, c'est une interprétation complètement fausse, parce que ce n'est pas du tout le sens du tableau, et ce n'est pas du tout d'ailleurs le titre du tableau. J'ai oublié le titre du tableau, mais ce n'est pas la ronde de nuit. C'est un usage de l'appeler la ronde de nuit. Et l'homme drapé de lumière n'est pas du tout quelqu'un qui vient prendre la relève. C'est un milicien aussi. Mm-hmm. Mais en tout cas, la manière que Jankélévitch a de le comprendre, alors c'est à la fin du premier chapitre de l'aventure, l'ennui, le sérieux. C'est que c'est l'annonce de l'aurore. L'annonce du matin qui vient zébrer la ténèbre de la nuit. En fait, le principe du printemps, c'est de substituer à l'obscurité la lumière. Et cette substitution, elle est particulièrement évocatrice parce que, on l'a dit déjà au début de l'émission, le printemps est toujours associé au matin, c'est-à-dire à cette victoire de la lumière du jour sur la nuit. Et donc ce tableau évoque, selon Jankélévitch, ce qu'il appelle le principe de l'aventure. C'est-à-dire le moment où un individu est en mesure de comprendre le sens du temps, son devenir, et y adhérer pleinement. Son destin, c'est de mourir, mais son destin aussi, c'est d'utiliser le temps qui lui reste. Au fond, le destin est complètement ambivalent, parce que nous savons qu'on va mourir, mais on ne sait pas quand, donc profitons-en. D'une certaine manière, donc, le printemps est un encouragement, une incitation à utiliser toutes les occasions qui seront des occasions d'exister pleinement. Il y a chez Jankélévitch un peu une pensée de l'intensité de l'existence. Mmh. On existe plus ou moins. C'est pour ça qu'on a des déceptions et des joies. On existe plus peut-être dans la joie que dans la déception. On rejoindrait d'ailleurs peut-être des thèses proches de celles de Spinoza, de cette manière. Et on existe résolument plus dans l'aventure, c'est ça? Le printemps serait une aventure, le printemps serait l'image de l'aventure. Le printemps serait l'image de l'aventure, c'est-à-dire de cette capacité pour l'individu à se projeter vers le futur. Mmh. L'aventure, pour Jankélévitch, c'est quelque chose de temporel, c'est pas quelque chose de spatial. C'est pas le fait de partir en voyage à l'autre bout du monde. On peut partir en voyage à l'autre bout du monde et ne pas être du tout aventurier. Ce qui distingue l'aventurier de l'aventureux. Il distingue les deux, effectivement. L'aventurier, c'est le bourgeois qui aime bien cocher des cases, c'est-à-dire avoir fait la visite de tel et tel monument pour le dire et pour l'avoir fait. L'aventureux, c'est celui qui se projette véritablement dans le futur et qui prend des risques, qui prend tous les dangers tels qu'ils sont. À la différence d'une autre attitude possible, d'un autre rapport au temps, qui serait l'ennui, et qui cette fois est lié à l'hiver chez Jankélévitch, qui est la répétition du temps, dans lequel on s'embourbe, un temps sans nouveauté, un temps qu'on ne sait pas approprier. En fait, le devenir, il est là de fait, et c'est à nous de le saisir comme tel, et de l'accompagner, de se l'approprier. Le temps en lui-même n'est pas moral, hein, il passe simplement. Par contre, nous pouvons en faire quelque chose. Et c'est cette suggestion, cette invitation, voire cette exigence chez Jankélévitch à l'action et même à la morale qui va définir quasiment l'intégralité de sa philosophie. C'est quelque chose qui circule dans toute l'œuvre. Et qui demande énormément de courage. Qui demande énormément de courage, énormément d'humilité. En fait, toutes les vertus sont appelées à ce grand rendez-vous moral qu'est le traité des vertus et qui s'enracinent, qui s'inscrivent dans une vertu qui serait primitive et puis même finale qui est l'amour voilà, chez Jankélévitch. Donc effectivement le printemps est l'annonce de ce corpus de valeurs, de ce corpus de vertus qui l'accompagne. Parmi lesquelles on trouve de manière peut-être plus surprenante celle du pardon, puisque si le printemps, vous l'avez dit, n'est pas moral en lui-même, il peut être affecté d'une valeur morale. Et dans le texte que vous allez entendre, un extrait du Pardon. Le texte s'appelle Le Pardon, 1967, de Jankélévitch. Vous allez entendre comment l'acte même de pardonner peut être interprété comme un renouveau à l'image du printemps. Le pardon annonce une renaissance, ou mieux, une nouvelle naissance. Le pardon instaure une ère nouvelle, institue de nouveaux rapports. la nuit de la faute chez le Gracier, présage une toute neuve aurore. L'hiver de la rancune chez celui qui gracie annonce un tout neuf printemps. C'est le temps du renouveau et de la seconde jeunesse. Ici prennent tout leur sens le grand dégel, l'heureuse simplification que le pardon annonce. Le pardon dément en cela la résignation. Le résigné s'adapte au gel du destin inflexible et rigide. Comme un hivernant, il fait son trou dans la glace et s'y incruste pour rendre vivable son éternel hiver. Cette accommodation résignative à la situation congelée est ce qu'on appelle sagesse. La folie du pardon, le pardon irrésigné au contraire, résout les rapports gelés de l'homme et du mal. L'offense pardonnée ressemble après coup à un malentendu. Le pardon libère, liquide, liquéfie les eaux vives que la rancune retenait prisonnière. Il dépanne la conscience bloquée dans les glaces. Cette débâcle générale, cette mobilisation du passé, sont l'initiative propre de l'homme généreux. L'homme généreux va au-devant de son offenseur, prend les devants, fait le premier pas. Et la chaleur communicative de cette générosité et le rayonnement de cette chaleur dégèlent les hommes gelés, boudeurs et méchants. Et une grande émulation de paix s'empare de tous les êtres. Je crois que le pardon est un acte absurde, irrationnel, même scandaleux. Et pourtant, c'est le seul qui soit sublime, c'est le seul qui soit durable, fondateur. Ça me coûte beaucoup de le dire. Ça me coûte parce que, d'abord, je n'ai pas été élevé dans la religion du pardon, et ensuite parce que il y a des forfaits que moi je n'ai jamais pardonnés, que je ne peux pas pardonner. Vous devinez peut-être ce que sont ces forfaits. Les crimes allemands pendant la guerre, je les crois vraiment, littéralement, impardonnables. Et si on voulait me demander de pardonner au docteur Mengele, on me demanderait un effort surhumain que je suis incapable de faire. Donc il y a ici une contradiction en moi, c'est, je vous voyez, je la professe, je l'avoue, n'est-ce pas ? Cet effort sublime, je ne suis pas capable de le faire en toute chose. Alors avant de commenter tout ce que Jean Kelevitch dit du pardon dans le texte que l'on vient d'entendre et dans l'archive que vous venez d'écouter, une archive France Culture du 24 février 1978, un mot sur ce qu'il dit. Il dit « Je n'ai pas été élevé dans la religion du pardon ». Et c'est vrai, c'est étonnant ça, Pierre-Alban Gutkin-Guinfolo, de se dire que Jean Kelevitch, fils de parents juifs russes, a une pensée, si on la lit de près, qui paraît beaucoup plus chrétienne que juive. Comment on l'explique ? Oui, c'est une question redoutable, en fait, de savoir finalement comment qualifier cette influence de la pensée chrétienne dans la philosophie de Jean Kelevitch. En fait, Jean Kelevitch est un penseur très libre qui sélectionne d'une certaine manière dans ses lectures tout ce dont il a besoin pour penser la complexité de la réalité. Et s'il faut en passer par des auteurs chrétiens, il le fait, et il le fait même très régulièrement. En l'occurrence, sur la question du pardon, c'est une idée profondément chrétienne qu'il va mobiliser. Cette idée, finalement, que le sommet de la morale serait cette capacité pour l'offensé de faire que dans la relation avec l'offenseur, la faute n'entache plus rien. Mmh. C'est une capacité complètement irrationnelle, absurde, nous dit Jean Kelevitch dans la très belle archive que nous venons d'entendre. C'est irrationnel et absurde, c'est-à-dire que ça n'a pas de raison. Pardonner, c'est faire quelque chose en l'absence de raison. On n'a pas de raison de pardonner. Si on pardonne parce que quelque chose, dans ce cas-là, ça n'est plus du pardon, d'ailleurs, c'est une excuse. On peut excuser quelqu'un d'être arrivé en retard parce que son train avait du retard, mais ça n'est pas de sa faute. Il n'y a pas de faute commise, il n'y a pas d'offensé et d'offenseur. Le pardon, ça n'est pas non plus l'oubli. Oublier quelque chose, ça n'est pas prendre acte de la faute. C'est tout simplement se laisser faire par le temps qui passe et le suivre dans son flux. Le pardon, c'est se rappeler. Et d'ailleurs, le texte précédent que nous avions écouté sur la promenade au cimetière est une mémoire. En fait, la mémoire est très importante pour Jean Kelevitch. Il faut se souvenir, c'est même une des conditions, se souvenir du passé pour pouvoir se donner un futur. Le pardon, c'est se rappeler qu'il y a eu de la faute, qu'il y a eu une relation brisée entre un offensé et un offenseur, par la faute, justement, par la faute commise. Et que, désormais, le printemps de la relation revient, puisque on fait rupture, il y a un événement, le pardon est un événement, on ne tient plus compte de la faute pour la réalisation de la relation. Et ça, c'est très important, et ça circule partout dans le corpus. Mais Jean Kelevitch parle de contradiction quand il dit que le pardon est à la fois l'exigence sublime, magnifique, de la morale, et de l'autre côté, son impossibilité personnelle, individuelle, à pardonner au docteur Mengele. Effectivement, il y a une contradiction apparente. Mais en réalité, cette contradiction, elle n'est qu'apparente, parce que Jean Kelevitch met bien en évidence une différence entre, d'un côté, l'absence de raison. Mm-hmm. Le pardon n'a pas de raison. J'ai pas de raison de pardonner, j'ai pas de raison d'aimer. Enfin, si j'aime quelqu'un parce que quelque chose, bon, je pourrais perdre cette raison. Donc ce n'est pas de l'amour véritable. Si je pardonne pour quelque chose, ça veut dire que pour un autre motif, finalement, je pourrais revenir sur mon choix, sur ma décision. Le pardon est fou, il n'a pas de raison, mais il a des conditions. Et il y a une différence fondamentale, profonde, entre avoir des raisons et avoir des conditions. Et pour Jean Kelevitch, il y a deux conditions au pardon. Et ces conditions ne seront jamais réunies dans l'exemple des crimes nazis. Quelles sont-elles, ces conditions? Alors, il y a deux conditions. La première, c'est qu'il faut que le pardon soit demandé. Et c'est la question que soulève Jean Kelevitch dans son texte « Pardonner, point d'interrogation », auquel Derrida répondra par « Pardonner, point ». Comme une réponse à la question soulevée par Jean Kelevitch. Et donc, la première des conditions, c'est de demander pardon. Mais selon Jean Kelevitch, l'Allemagne n'a jamais demandé pardon pour ses crimes. Et puis, la deuxième condition, c'est qu'il faut que l'offensé soit là pour donner le pardon. Et la contradiction impossible à surmonter, c'est que dans les crimes nazis, les offensés ne sont plus là pour pardonner. Donc, certes, le pardon est fou, on peut pardonner, mais dans certains cas, les conditions du pardon ne sont pas réunies. Et donc, il n'y a pas forcément contradiction entre l'absence de raison d'un côté, le pardon fou, la folie du pardon, qui s'oppose à la sagesse de la résignation, dans le texte qu'on vient d'écouter, et de l'autre, l'impossibilité individuelle, martelée, et d'ailleurs, qui a fait l'objet de beaucoup de critiques pour Jean Kelevitch. Ses contemporains avaient tendance à le considérer un petit peu comme un auteur bloqué en 1945, Il refusait de lire les auteurs allemands, d'écouter de la musique allemande. Oui, dans une certaine mesure, parce qu'il y en a quand même certains qui sont cités. Il avait une posture, effectivement, très forte, très significative, mais qui ne l'a pas empêché de développer sa propre philosophie, qui n'a pas empêché d'ailleurs de développer une métaphysique qui, à certains égards, ressemble à celle que peut développer un certain Heidegger après lui. Donc, et ça, il serait prêt à reconnaître ça ou... Non, je pense pas. D'ailleurs, j'ignore vraiment s'il l'a quand même lu secrètement, en catimini, je sais pas. Mais après, c'est pas contradictoire de pointer les conditions nécessaires à la possibilité du pardon et de l'autre considérer que certains actes sont impardonnables. Oui. Enfin, c'est pas contradictoire. Alors, c'est pas mais par exemple, la réponse de Derrida à Jean Kelevitch sera de dire que précisément parce que c'est impardonnable, cela invite au pardon. Le pardon ne pardonne qu'est-ce qui est impardonnable. Sinon, ça n'est pas un pardon, c'est juste une excuse. Si on avait des raisons d'agir de telle ou telle manière, si on vivait par exemple dans un monde socratique, où nul n'est méchant volontairement. C'est fantastique, le monde de Socrate, il n'y a pas de méchants. Pas de nazis, ça c'est sûr. Il n'y a pas de nazis, voilà. Eh bien, Jean Kelevitch évidemment s'en moque et critique cet intellectualisme socratique qui consiste à toujours trouver des raisons ou des intérêts ou de la cécité de la part de l'offenseur. Il n'avait pas vu ou il ne savait pas que ça allait produire tel ou tel effet sur les autres. Donc Jean Kelevitch refuse absolument cette conception. Mais d'un autre côté, le fait qu'il y ait faute est pour Derrida un encouragement à la beauté du pardon. Justement, plus c'est impardonnable, plus le pardon est fou, et plus le pardon est hyperbolique, et plus le pardon est beau. Et cette logique de surenchère, finalement, du pardon sur l'impardonnable ne sera pas acceptée par Jean Kelevitch. Et c'est d'une certaine manière pour cela qu'il évoque cette contradiction, c'est-à-dire cette dualité un petit peu entre deux ouvrages, le traité sur le pardon, dont on vient d'entendre un extrait de 1967, et puis le texte Pardonné, point d'interrogation, qui était donc une tribune publiée dans Le Monde début janvier 1965, 20 ans après les crimes nazis à la fin de la guerre, justement pour militer en faveur de l'imprescriptibilité de ces crimes. Et donc là, il y a une forme de tension entre d'un côté l'impossibilité réelle, concrète, pratique de pardonner, et puis de l'autre l'encouragement chrétien, fou, scandaleux, c'est le terme qu'il utilise, voilà, scandalise la raison de pardonner. On retrouve l'ambivalence propre au printemps. Et on retrouve cette ambivalence propre au printemps. Voilà, donc le printemps, enfin le pardon ou le printemps, c'est selon, régénère la relation, la revivifie. Voilà, la faute n'est pas oubliée, mais elle ne déteint plus sur la relation. Donc le printemps fait événement, il y a un avant et après du pardon. Et voilà. Et de toute façon, comme le chante Tom Waits, on ne peut jamais retenir le printemps. Merci beaucoup Pierre Abanguetkin, Guinfolo, d'être venu nous parler de Jean Kulevitch et du printemps ce matin. On vous repartez, chers auditeurs, avec beaucoup de textes à lire quelque part dans l'inachevé. On l'aura bien entendu, on peut lire les traités des vertus, c'est plus difficile, mais c'est absolument passionnant. Le pardon aussi, vous en avez entendu un extrait. Et donc, on se quitte avec, en chanson, la chanson du printemps. Le printemps qu'on ne peut pas retenir, c'est là sans doute son insolence, c'est Tom Waits. You can never hold back spring. You can be sure I will never stop believing. The blushing rose, it will climb. Spring ahead or fall behind. Dreams the same dream every time. Baby, you can never hold back spring. And even though you've lost your way, the world is dreaming. Dreaming of spring. So close your eyes, open your heart to the one who's dreaming of you. And you can know. Everything that spring can bring, baby, you can never hold back spring, baby. Magnifique Tom Waits, qu'on peut prolonger en lisant, je ne l'ai pas cité, Pierre Alban, Kutkin, Guinfolo, L'aventure, l'ennui, le sérieux, on l'a cité pendant l'émission, mais c'est un ouvrage que vous aviez préfacé avec Laure Barillas, coédité aussi avec Frédéric Worms. Frédéric Worms qu'on retrouve tout de suite, car désormais, depuis la rentrée, il propose une chronique quotidienne sur les chemins de la philosophie, le pourquoi du comment. Chaque jour, il pose une question, il aborde un thème, il répond à cette question, il explicite le thème. Aujourd'hui, la chronique de Frédéric Worms donc, est autour de la pluie et le beau temps, passe en lien donc avec le sujet du jour et de cette semaine. La pluie et le beau temps. Parler de la pluie et du beau temps, c'est d'une certaine façon, dans notre usage de cette expression, cela désigne le fait de parler pour ne rien dire, de meubler une conversation, de meubler un vide, finalement de ne pas savoir parler de choses importantes. Ça semble être finalement le contraire même de la philosophie. Pourtant, parler de la pluie et du beau temps, c'est deux fois essentiel pour nous. D'abord, c'est une manière pour les humains de briser la glace. C'est le commencement de toute conversation. Vous entrez dans un taxi, dans un salon, la première chose dont on peut parler, qu'on peut partager, c'est la météo du jour. C'est justement ces événements. C'est donc aussi le commencement d'une discussion humaine et finalement de la situation des uns et des autres. C'est un petit peu comme comment vas-tu, bien ou mal. C'est justement pris dans cette polarité là aussi, parce que la pluie et le beau temps, évidemment, cela renvoie dans un... C'est l'autre grande importance de cette expression finalement énigmatique. Cela renvoie à la dépendance que nous avons par rapport aux variations du climat. Et aujourd'hui, le changement climatique pousse à des extrêmes. Avons-nous pour toujours quitté le beau temps ? Celui-ci est une illusion. Et la pluie, finalement, désignant une pluie de catastrophe, menaçant le climat de la planète entière. Plus sérieusement, la pluie et le beau temps, c'est vraiment l'expérience même des êtres vivants qui sont partagés entre la vie et la mort, entre la santé et la maladie, entre le normal et le pathologique, disent les philosophes. Le paysan, pour qui la pluie et le beau temps sont quelque chose de très sérieux. Le marin, chacun d'entre nous, même si nous, pour les citadins d'entre nous, cela semble secondaire, est-ce que je prends un parapluie ou pas ? Mais parfois, la ville devient étouffante et glissante d'autrefois, et en tout cas, le climat ne nous est jamais indifférent. Mais il y a quelque chose de plus énigmatique encore, et qui pour moi n'est que le début d'une réflexion, c'est au fond... Pourquoi nous parlons du beau et du mauvais temps ? Pourquoi nous appliquons ces qualificatifs moraux ou esthétiques, finalement ? Et surtout cette étrange expression du beau temps qui fait ressortir l'éclat du monde. Je crois qu'il n'y a pas une beauté statique de l'univers. Le beau a toujours besoin et ressort toujours de l'expérience d'un être vivant et fait ressortir aussi la force interne des êtres par une sorte d'éclat que le beau temps nous semble receler en lui. Le même paysage, même un paysage que nous avons enlaidi, presque détruit par une laideur humaine, une laideur fabriquée, redevient beau quand il fait beau justement. Et cette beauté n'est pas un arrangement extérieur, ça n'est pas non plus un point de vue relatif, c'est quelque chose qui fait ressortir le lien entre l'être d'une chose, l'environnement du monde et le regard des êtres vivants sur lui, le regard, dans notre cas, des êtres humains. Mais le mauvais temps n'est pas seulement moche au sens esthétique du terme. Le mauvais temps, c'est aussi un temps qui peut nous détruire, un temps qui va nous affecter, un temps où certains vont pouvoir trouver de la beauté de l'automne, la beauté de la grisaille elle-même, mais c'est malgré tout un véritable danger. Et donc, quand nous parlons de la pluie et du beau temps, peut-être que nous ne faisons que commencer dans la vie ordinaire une conversation qui mêle au plus extrême de la vie philosophique et qui nous permet de nous retrouver, qui nous donne une boussole comme un baromètre dans l'ensemble de notre pensée. Merci beaucoup Frédéric Worms. Bonne nouvelle aujourd'hui, il fait beau puisque vous venez de légitimer toute discussion autour de la pluie et du beau temps. Aujourd'hui c'est le beau temps et on est ravis de vous retrouver demain pour une autre chronique que vous pouvez réécouter, chers auditeurs, en ligne sur le site de France Culture. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier en compagnie de Carla Michel, Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette émission. À la prise de son aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson. À la lecture des textes, Bernard Gabet. On se retrouve demain, comme tous les vendredis. Demain, on vous proposera un cours particulier. Vous le savez, chaque vendredi, une personnalité, une personne vient parler de son métier, que ce qu'il soit artisan, écrivain, médecin, acteur ou que sais-je encore. Demain, ce sera le psychiatre Nicolas Franck qui viendra vous parler donc du métier de psychiatre. Rendez-vous demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en la téléchargeant, en la podcastant, par exemple, grâce à l'application Radio France qui vous permet d'écouter chaque émission en direct et en téléchargement. Et l'équipe vous attend également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est ravis de lire vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.